Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin à la console et au micro depuis les studios de CKRL 89.1. La Croche-Oreille, une émission de propositions sonores issues du monde des arts sonores et des musiques qui sont parfois étonnantes, difficiles à catégoriser et que j'aime bien qualifier de merveilleuses, mirabilées, parce qu'elles sont non seulement admirables, mais qu'elles semblent surgir d'un monde quasi surnaturel, magique, sinon féerique, sur le plan artistique. Je vous propose ce soir l'écoute d'artistes et d'œuvres sonores choisies parmi les parutions de la maison Empreinte Digitale. C'est une maison de disques à ses débuts, en 1990, une maison québécoise qui réalise un travail magnifique de promotion et de diffusion des artistes et musiciens qui œuvrent dans le domaine des arts sonores, des musiques acousmatiques et de la création électroacoustique notamment. Ce sera ce soir aussi un voyage dans le temps sonore depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant. Alors, on fera donc un court voyage parmi des styles qui sont aussi caractéristiques de certaines époques. Et je débute la soirée sans tarder avec une création récente de Sophie Delafontaine. Suissesse d'origine, elle s'établit en Belgique pour étudier la création acousmatique. Elle s'est particulièrement intéressée aux liens qui unissent la danse, le théâtre et la musique acousmatique. Elle lançait en 2019 un album intitulé « Accords ouverts » dont le titre « Respire, marche, part, va-t'en » évoque son départ de la Suisse pour les études, un exil qui a été source de création, dit-elle. Alors on écoute ce titre « Respire, marche, par Vata. Thank you. très belle dramaturgie sonore que cette pièce intitulée « Respire, marche, pars, va-t'en » a tirée d'un album intitulé « Accords ouverts ». C'est de la créatrice sonore Sophie Delafontaine. Je vous présente maintenant une création du compositeur et ingénieur sonore Dominique Bassal, qui développe une passion pour le vocabulaire et les techniques électroacoustiques à l'Université Concordia. Il y a de ça presque 50 ans maintenant, c'était fin des années 70, début des années 80. Il sera, Bassal, très actif sur le plan de la création au début des années 2000. Création caractérisée, dit-on, par des ambiances polyphoniques, des agencements de sonorités intenses, parfois étranges, mais toujours foisonnantes. Je vous propose l'écoute d'une très belle pièce intitulée « Chambre 103, calculs et métaux ». C'est tiré de l'album « Accet Rem Perimos ». Tel un album produit entre 2014 et 2017, relancé sur l'étiquette Empreinte Digitale en 2020. On écoute ce titre, Chambre 103, Calculs et métaux. Thank you. C'était Dominique Bassal, chambre 103. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille, ainsi que la source des pièces. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Prochain morceau choisi pour ce soir, un titre Javari. C'est une création de la compositrice Manuela Blackburn, une passionnée de musique en général et de musique acousmatique en particulier. Elle a notamment créé des improvisations pour ensembles d'ordinateurs portables et des musiques pour la danse. Elle a étudié la musique à l'Université de Manchester en Angleterre et ses œuvres ont été diffusées en Allemagne, en Argentine, au Canada et dans de nombreux pays, là, j'en passe plusieurs. L'œuvre que je vous propose ce soir est tirée d'un album intitulé « Petites étincelles ». C'est paru en 2017 et ce titre, Javahari, c'est le terme donné au chevalet du sitar où les cordes mélodiques et sympathiques courent et créent le son. Le terme fait également référence au bourdonnement unique produit par le sitar. Vous avez compris que cette pièce explore les timbres du sitar, timbre fascinant issu de cet instrument, et que l'œuvre accorde une attention particulière au magnifique pitch bend qui se courbe dessous comme des mélismes vocaux. Alors, on écoute cette pièce de Manuela Blackburn, Java. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission pour ce soir. Vous êtes sur les ondes de la Croche-Oreille, sur CKRL de 89.1. Alors je vous reviens après un bref battement promo. CKRL 89.1. Vous écoutez la Croche-Oreille. Seconde demi, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1, sur les ondes de CKRL.qc.ca, sur la toile. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les pièces, toutes les émissions produites jusqu'à maintenant. Cela dit, j'enchaîne sur cette idée de vous présenter ce soir des œuvres sonores inscrites au catalogue du diffuseur Empreinte Digitale, un diffuseur québécois, une maison de disques, comme on disait autrefois, à une autre époque, un organisme spécialisé en musique concrète, acousmatique, expérimentale, on a tout le vocabulaire. C'est musique qu'on classe de nos jours dans la catégorie des arts sonores, en tout cas pour de très nombreuses œuvres, nombreuses productions. Et pour seconde demi, pour débuter, on va écouter ensemble une création du compositeur et créateur sonore Gilles Corbeil, un artisan de la première heure qui va fréquenter les figures emblématiques, on va dire ça comme ça, de la création sonore du Québec, Serge Garand, Marcel Deschênes, Francis Daumont, pour en nommer quelques-uns. Et lui va s'investir à l'exploration de la musique acousmatique, associée au style sonore nommé « cinéma pour l'oreille ». Ces pièces, dit-on, s'inspirent d'œuvres littéraires à partir desquelles ils visent l'émergence d'un maximum d'images mentales. Alors voilà, on écoute ce soir une pièce créée en 2008-2009 intitulée « Les lointains noirs et rouges ». C'est tiré de l'album « Les lointains ». Voilà, c'était Gilles Gobeil, Les Lointains Rouges. Les Lointains Noirs et Rouges, pardon. Je vous présente maintenant l'artiste sonore et compositrice Monique Jean, qui fait partie, elle aussi, de cette cohorte de jeunes créateurs qui vont, au cours des années 90, insuffler un fort élan à la création sonore actuelle du Québec. On dit que le travail artistique de Monique Jean se construit autour de tensions, de fractures et de chocs des matières sonores afin de parvenir à une transmutation du réel vers le poétique. Je vous propose, pour clore la soirée, une création de Monique Jean accompagnée de Denise Desautels, la poétesse, le volet 3 d'une trilogie intitulée « Figures du temps ». C'est composé, ça a été composé entre 1997 et 2001. C'est tiré d'un album qu'on peut qualifier de visionnaire intitulé « L'adieu au SOS » qui évoque les grands défis du monde actuel sur le plan humain et environnemental. Alors on écoute Monique Jean, Denise Desautels, « Figure du temps, A Farewell to SOS ». Alors voilà que s'achève l'émission pour ce soir autour d'œuvres et d'artistes associés à la plateforme Empreinte Digitale. Vous trouverez d'ailleurs les œuvres, les artistes, les albums cités ce soir, écoutés ce soir sur la plateforme Empreinte Digitale qu'on retrouve sur la toile, sur le web. Vous retrouverez également les titres sur le site de l'Accroche-Oreille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. On poursuit l'écoute de cette œuvre de Monique Jean. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.